travaille la nuit quand la journée. C'est pour ma part tout sans des besoins. Tout c'est où ma remède. C'est où ma laisse, c'est où ma remède. Mais où c'est dit, c'est moi où parler. C'est fou, moi fou, si moi continue, ouais. Et qui ça oulé, qui m'a dit oulé, moi faire, oh. Croisé Porto Rico, ouais. Qui m'en est roulé, qui s'a roulé moins fort.